qu'un jour tu m'as donné. Pourquoi ce soir l'as-tu volé, laissant mon cœur inconsolé, abandonné, brûlant toujours d'un fou désir, je tends les bras aux souvenirs que m'ont laissé les nuits de fièvre dont j'aurais voulu mourir. Ma lèvre garde encore l'empreinte de ta lèvre lorsqu'on a encore vibré l'étreinte du plaisir et que ta voix cruelle jurait l'amour fidèle. Fou que j'étais, oh fou qui te croyais, qui croit toujours à ton retour. L'amour qu'un jour donné, pourquoi ce soir l'as-tu volé, déjà mon cœur abandonné, t'a pardonné, tout est si vide sous mon toit. S'il faut souffrir, tant pis pour moi.